mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, Mande pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, maman, oui. Monde là-haut, monde là-haut, accueille café, accueille café, accueille cacao, accueille cacao, la descente la ville, la descente la ville, aïe, mais je vous barre, moi, maman, maman, maman, oui, maman, maman, oui, aïe, basta. Bienvenue, élan, oui, en oui. M'a du pantalon sous la Sainte-Anne, qui côté moi, je ne dis coquet, mais le coquet, moi, prête mes chiens, la bombe des coquets, sans qui faiblesse, pantinette là, la bouillie à jugo au sol là. Grenadine Kachima Québec là, associé à pouvoir pétir. Mais maman, moi, j'ai besoin d'un ma, mettez dans ma, femme comme ça, femme comme ça. Ah oui, ah oui, pas qu'à l'épée, pas qu'à kébé. Maman, maman, moi, changer longtemps, maman. L'aide après la goulée soir, à le cacher ensemble, maman. Maman, remets moi, papa, remets moi. Ah oui, et là, oui. Ah oui. Moi résilien pour moi remède, sans sale bagaille que ma pendée, pour pas vite faire pas jalousie, pour demain pour nuit la vie. Mande pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, mande ou. La pia pouye moi, la pia pouye moi, ouvre porte pour moi, ouvre porte pour moi, pour m'kabab dodo, pour m'kabab dodo, en oui, en oui, baka kembe maman, oui, la pia pouye maman, oui. Ma tante on sait pas parler, pour faire cousine ton préparé, ça qui fait nous faire plein gars. Mais oui, ou bien pour marier, ou bien mal la caille, mon corps, de ça qu'on va arriver, donc on a cherché les filles. Cousine, je te trouve bonne gala, y'a fait des balles en pile. Moi-même, je suis là, ma part.